Chapitre 15. Le lendemain, Weber, après avoir conféré avec ses différents fournisseurs, se fit servir à déjeuner et attendit de pied ferme Savary. Les dettes de jeu se payant d'ordinaire dans les 24 heures, il était en droit d'espérer que son débiteur de la veille ne tarderait pas à apparaître. Il n'avait qu'une crainte, c'était que Savary fût parvenu à se procurer les 14 000 francs dus et qu'il les apportât. Cette exactitude eût comblé de joie tout autre créancier, mais elle causait à Weber les plus grandes inquiétudes, car tout son plan reposait sur l'impossibilité probable où devait se trouver son débiteur de régler sa dette. Quant à se dire, il se contentera de ne pas payer et ne donnera pas signe d'existence, ce qui s'est vu et se voit tous les jours, l'idée ne lui en vint même pas. Savary, depuis son arrestation, se trouvait dans une position trop fausse pour se permettre de telles incartades. Il était aussi trop prudent pour blesser en ce moment de justes susceptibilités, pour faire du bruit autour de son nom, et réveiller ainsi forcément l'attention sur la triste affaire où il avait été mêlé. Il était donc évident pour Weber que son débiteur paierait, ou bien, ce qui était plus probable, que, ne pouvant payer, il demanderait du temps. À 1 heure de l'après-midi, Savary cependant ne s'était pas encore fait annoncer, et Weber, à qui l'inaction et l'isolement portaient sur les nerfs, ne pouvait s'empêcher de concevoir quelques craintes. « Si au lieu de s'expliquer verbalement avec moi, il allait m'écrire, se disait-il. Pourtant, il me semblait difficile qu'il ne désire pas se rencontrer de nouveau avec elle. Il est impossible, tout blasé qu'il soit, qu'elle n'ait pas produit une impression sur son esprit. » Weber n'admettait pas que Julia Vidal pût passer inaperçue et qu'après l'avoir vue, ne désira pas la revoir. À 3 heures, son irritation nerveuse se calma, ses incertitudes cessèrent. Un garçon de l'hôtel vint le prévenir que quelqu'un demandait à être introduit auprès du comte de Rubigny. « Faites entrer, » dit Weber, qui faillit ne pas se reconnaître, tant le nom dont il s'était affublé était nouveau pour lui. Dès qu'Albert Savary parut, l'agent de police courut à sa rencontre. « Ah, c'est vous, cher monsieur, » lui dit-il, en reprenant son accent italien, son intempérance de langue et ses manières engageantes. « Entrez donc, je vous prie. Je suis enchanté de vous voir. Vous êtes-vous bien porté depuis hier? Je parie que vous avez passé tout votre temps au lit. C'est comme moi. J'ai pris un bain hier en rentrant. J'ai déjeuné au champagne. Ah, que votre champagne est bon. On viendrait en France seulement pour en boire. Ensuite, je me suis couché. Je dormais encore il y a 1 heure à peine. J'ai moins dormi que vous, dit Savary, lorsqu'enfin il put placer un mot. Et pourquoi? Vous deviez être fatigué, cependant. Oui, mais j'étais préoccupé. Préoccupé, allons donc. Est-ce que le sommeil ne doit pas avoir raison des plus grandes préoccupations? Ah, je devine. Je gagerais que vous êtes amoureux d'une des jolies personnes qui se trouvait chez Madame d'Hermont. Le fait est qu'il y en avait de charmantes. Quelle grâce, quel esprit, quelle élégance. Ah, les Parisiennes! On a bien raison de les vanter. Nos Italiennes ne sont rien auprès d'elles. Monsieur, hasarda Savary, non, non, par politesse, vous allez me dire du bien de mes compatriotes. Mais vous ne changerez pas mon opinion sur leur compte. Je vous soutiens qu'elles ne valent pas les vôtres. Tenez, ma parente que je vous ai présentée. Et votre parente? Dit Savary avec étonnement, comme Weber l'avait prévu. Oui, ne vous la rappelez-vous pas? Au contraire, mais je ne la croyais pas votre parente. Pourquoi cela? Mais parce que vous l'avez conduite chez Madame d'Hermont. Qu'est-il là d'étonnant? Demanda Weber, le plus naïvement du monde. Vous ne savez donc pas dans quelle société vous étiez? Demanda Savary à son tour. Dans une société où l'on joue aux cartes. Ne m'a-t-on pas dit qu'on jouait maintenant à Paris dans tous les salons? Peut-être, mais on ne joue d'une certaine façon et jusqu'à 11 heures du matin que dans certains salons et dans un certain monde. Que me dites-vous là? Ma parente était donc déplacée chez Madame Pélagie? Puisque vous m'interrogez, je vous répondrai oui. Ah, mon Dieu! Ce que c'est que d'être étranger, de ne pas connaître les usages, et moi qui croyais? Un de mes amis m'avait dit, lorsque j'ai quitté Naples, « Allez de ma part chez Madame d'Hermont, rue Blanche, 10. C'est une charmante femme. Sa maison est très agréable, on y reçoit très bien. » En effet, on reçoit beaucoup, fit observer Savary en souriant. « Et moi, Je n'ai rien eu de plus pressé que de faire ma visite et de présenter ma parente. Heureusement qu'elle n'a causé avec personne, tout le monde jouait, et on ne s'est pas occupé d'elle. Mais savez-vous que Paris ne ressemble pas à nos villes d'Italie? J'ai toute une éducation à refaire. Sous certains rapports seulement, dit poliment Savary. Ah, si quelqu'un voulait s'en charger, continua Vibert, je tremble à la pensée de faire une nouvelle gaucherie. Cette madame Pélagie d'Hermont, lorsque je suis allé la voir dans la journée, m'avait paru si bien. En votre qualité d'étranger, vous pourriez en effet vous y tromper. Madame d'Hermont a été autrefois une femme mariée, une femme du monde, mais très autrefois. Elle a encore de bonnes manières lorsqu'elle le veut, et probablement elle l'a voulu avec vous. Au point que je m'y suis laissé prendre. Ah, mon Dieu, si ma parente se doutait. C'est cependant avec une bonne intention que je l'ai conduite à cette soirée. Pauvre femme, elle est veuve depuis 6 mois, et d'une tristesse qui aurait fini par déranger sa santé si elle ne s'était pas décidée à venir en France avec moi. Le voyage lui avait déjà fait un peu de bien, et dès mon arrivée à Paris, j'essayais de lui procurer quelques distractions. Il paraît que pour mon début, je n'ai pas eu la main heureuse. J'aurais dû demander plus de renseignements à l'ami qui m'avait parlé de Madame d'Hermont. Il a cru que je voyageais en garçon, et il m'aurait indiqué une maison où l'on ne reçoit que les garçons. Oh, Pélagie n'est pas si exclusive, fit observer Savary. Elle reçoit aussi les maris, mais sans leurs femmes. Je ne pardonnerai jamais Madame d'Hermont de ne m'avoir pas averti. Vous auriez peut-être tort. Mettez-vous à sa place. Il était difficile de vous dire « Vous me prenez, monsieur, pour une honnête femme, je n'en suis pas une. C'est juste. Vous avez raison, c'est très juste. » Puis, Pélagie a peut-être cru que cette dame n'était pas votre parente autant que vous le disiez. Nous autres Français, lorsque nous voyageons avec notre maîtresse, il nous arrive quelquefois d'essayer de la faire passer pour une parente, afin de sauver, dans son intérêt et dans le nôtre, certaines apparences. « Ce n'est pas ici le cas, je vous assure !» s'écria Vibert, avec une vivacité parfaitement jouée. « Ma parente est bien ma parente, une Rubini comme moi. Elle avait épousé un de ses cousins, qui était aussi le mien. Je n'en doute pas, monsieur. C'est par suite de son état de santé qu'elle s'est décidée à voyager avec moi. Mais nous ne demeurons même pas ensemble. Je suis descendu à l'hôtel et elle habite rue de Grammont. Vous voyez bien que, je vous le répète, monsieur, je n'ai aucun doute à cet égard. » S'empressa de répliquer Savary que l'assistance naïve du comte de Rubini commençait à fatiguer. « J'étais venu, » continua-t-il. Vibert s'empressa de l'interrompre. « Vous étiez venu pour régler certaines petites affaires, allez-vous dire. Ne parlons pas de cette bagatelle. Cependant, permettez-moi plutôt de croire que vous désiriez nouer avec moi de bonnes relations qui me seraient vraiment précieuses. Quant à la petite somme que j'ai eu le malheur de vous gagner, veuillez la mettre là, sur cette table, et causons d'autre chose. C'est que, » dit Savary, d'autant plus mal à l'aise vis-à-vis de son créancier que celui-ci traitait plus légèrement sa dette. « C'est que ?» demanda négligemment Vibert. « Je me trouve forcé de rester quelques jours encore votre débiteur. Par suite de différentes pertes, je suis en ce moment fort gêné. « Quoi, vraiment ?» fit l'agent de police, d'une tonne de personnes qui trouvent étonnant qu'on soit gêné pour si peu. « Et je viens, monsieur le comte, » continua Savary, « vous priez d'une part de me garder le secret sur ma gêne momentanée, et d'autre part, de me donner un peu de temps pour m'acquitter envers vous. « Mais avec un plaisir extrême, » répliqua Vibert, « je vous donne, mon cher monsieur, tout le temps qu'il vous faudra, 8 jours, 15 jours même. Vous avez sans doute des fonds à déplacer, c'est tout naturel. J'aurai mauvaise grâce à vous refuser ce que vous désirez, moi qui me trouve avoir un service important à réclamer de votre courtoisie. Vous ? Mon Dieu, oui. Me permettez-vous de m'expliquer ? « Je vous en prie. »« Vous avez pu en juger par vous-même, » reprit Vibert, avec cet abandon et cette bonhomie dont il savait faire un si habile usage. « Je n'ai aucune expérience du monde parisien, et je suis exposé à m'y fourvoyer à chaque pas, si je ne suis pas guidé par un intelligent cicérone. Aussi ai-je saisi avec empressement l'occasion de faire la connaissance d'un homme tel que vous, et bien je lui demandais franchement de m'aider de ses conseils et de ses lumières. » « Je suis à votre disposition, monsieur, » répondit vivement Savary. La proposition qu'on lui faisait était trop belle pour qu'il ne s'empressât pas de l'accepter. Il entrevoyait déjà vaguement la possibilité de n'avoir plus à s'occuper d'une dette qui, depuis la veille, par les raisons que nous avons expliquées et qu'avait parfaitement deviné Vibert, lui causait de grands soucis. En effet, les dettes de jeu ne peuvent être considérées comme véritablement sérieuses qu'entre étrangers, ou au moins entre simples connaissances. L'intimité de deux personnes ne suffit pas pour annuler leur dette vis-à-vis l'une de l'autre. Mais elle exclut toute espèce de rigueur, toute échéance trop rapprochée, toute mise en demeure brutale. Je vous remercie de votre amabilité, dit Vibert à Savary, lorsque celui-ci eut déclaré se mettre à sa disposition. Cependant, prenez garde de vous engager au-delà de vos forces. Je ne suis pas seul. J'ai avec moi une personne triste, souffrante, que j'ai mission de distraire. Entre garçons, nous nous arrangerions toujours. Je parviendrai peut-être même à vous rendre ma société supportable, car je partagerai vos goûts et je me plierai vos habitudes. J'aimerai vos plaisirs, qui deviendraient les miens. Mais en vous chargeant de moi, vous vous chargez de ma parente. C'est d'elle surtout qu'il faudra vous occuper, c'est moins facile. Pourquoi cela ? Répondit Savary. Dans le court entretien que j'ai pu avoir avec madame votre parente, elle m'a paru une très aimable personne. Sans doute, elle est très aimable pour des Italiens. Elle avait même, j'en conviens, dans le monde à Naples, avant et pendant son mariage, une grande réputation d'esprit. Mais vous êtes gâtés sous ce rapport et sous bien d'autres, messieurs les Parisiens. N'essayez donc pas de me donner le change. En vous occupant de nous, c'est un service que vous ne rendrez pas autre chose. Si vous l'exigez, ce sera un service. À la bonne heure, alors j'accepte et je ne tarderai pas à mettre votre amabilité à l'épreuve. Je vous en avertis. Tant mieux. J'ai d'abord une foule de petits renseignements précieux à vous demander. Des adresses, des noms de fournisseurs, puis des conseils, beaucoup de conseils. Nous comptons rester à Paris au moins tout l'hiver, et nous voudrions le passer le plus agréablement possible. Que doit-on boire? Où faut-il aller? Tout cela est fort embarrassant, je vous assure, et vous pouvez nous être d'une grande utilité. Quand puis-je vous présenter à ma parente, chez elle, d'une façon plus correcte que la première fois? Mais quand vous voudrez. Alors, demain, je vous prends au mot. Demain, soit. Ils se séparèrent un quart d'heure après. Vibert était ravi. Quant à Savary, peut-être n'était-il pas trop mécontent du marché qu'il venait de conclure.